C'est juste une dernière pour la route. On va pas se quitter comme ça. C'est juste une dernière pour la route. Ce soir la vie nous tend les bras. Juste une dernière pour la route. On va pas se quitter comme ça. C'est juste une dernière pour la route. Demain sans doute on oubliera. Puis tu peux pas me planter là. Puis t'as même pas fini ton verre. De toute façon y'a rien à faire. Alors autant que je te remette ça. Mais non, on va pas se saouler la gueule, non. On va se raconter des histoires de filles et des blagues de comptoir. Si tu me laisses pas boire tout seul, c'est juste une dernière pour la route. On va pas se quitter comme ça. C'est juste une dernière pour la route. Ce soir la vie nous tend les bras. Juste une dernière pour la route. On va pas se quitter comme ça. C'est juste une dernière pour la route. Demain sans doute on oubliera. Puisque nous savons tous les deux que notre amour a foutu le camp. En souvenir des bons moments, faisant semblant encore un peu avant qu'un nouveau jour se lève. Et avant que l'on s'oublie, laisse-moi encore cette nuit m'abandonner à tes lèvres. C'est juste une dernière pour la route. On va pas se quitter comme ça. C'est juste une dernière pour la route. Ce soir la vie nous tend les bras. Juste une dernière pour la route. On va pas se quitter comme ça. C'est juste une dernière pour la route. Demain sans doute on oubliera. À moins d'un putain de court-circuit, je vois pas comment je peux m'en tirer. Toutes les issues sont condamnées et ma clope est déjà finie. Comme Marvin vient plus qu'un fil, je m'en dirai bien une autre petite. Si c'est pas abusé, et dites au bourreau que je me tiendrai tranquille. Mais que c'est juste une dernière pour la route. On va pas se quitter comme ça. C'est juste une dernière pour la route. Ce soir la vie nous tend les bras. Juste une dernière pour la route. On va pas se quitter comme ça. C'est juste une dernière pour la route. Demain sans doute on oubliera. C'est que le temps nous est compté. Alors autant en profiter, puisqu'on a encore de la voix. Nous on n'a pas envie de partir. Ici avec vous on est bien. Et si chacun y met du sien, on peut faire durer le plaisir. On va s'en donner du bon temps. De bonheur, tant qu'il y aura de la joie dans les cœurs, on fêtera la vie en chantant. C'est juste une dernière pour la route. On va pas se quitter comme ça. C'est juste une dernière pour la route. Ce soir la vie nous tend les bras.